Terry Moïse, je serai toujours là pour toi. T'es ce qui m'est arrivé de mieux, elle me demande pas pourquoi. Et quand je repense à ton premier souffle, j'ai l'impression que le ciel s'ouvre. Fils, ton papa souffre. Je sais, je suis pas parfait. Et je me dis que j'aimerais tout recommencer parfois. Je me souviendrai toujours de tes premiers pas. Et du jour où pour la première fois t'as dit: fils, t'es ma fierté, j'assume ma paternité. Et que Dieu m'entende pour l'éternité. Pour toi, je ferai du mal aux gens. Bien plus que pour de l'argent. Heureux ou malheureux, ou même en manque d'euros. Et quelle que soit l'heure, t'as mon numéro. Tu grandis si vite, et moi j'ai pas si vite. T'as déjà l'âge que t'as, et moi j'ai pas suivi. Et au train où vont les choses, on sait que tu feras tout bien mieux que chez nous. Pour toi, je traverserai les flammes. J'arrêterai même l'alcool, la drogue et les femmes. Y'a pas une seule bonne raison pour t'oublier. Ça fait un vide dans la maison et quand j'y pense, j'ai envie de tout plier. Et comme un con seul, je me console en pensant au bon moment où on jouait à la console. J'aimais tes petites colères quand je te faisais croire que t'étais privé de sorties scolaires. Avec toi, je me sentais vivre. Rappelle-toi, tu me faisais la morale quand tu me sentais ivre. Je t'ai pas écouté, maintenant je suis dégoûté. On partagera bu le même pain au goûter. C'est une honte, tu me manques et je m'en suis pas rendu compte. Sa chère UBEN, que papa t'aime. Papa t'aime. Papa t'aime. Papa t'aime. Papa t'aime. Papa t'aime.